Je suis désolé, hein, Bilal. Chaque fois, je te demande ça. Petit CV express, rapide, vite fait. CV pour les gens express. Qui arrivent, qui se disent merde, qui est Bilal? Bilal, rappeur de la capitale, rappeur de Belleville, à la parisienne. On a sorti un album en 2010 qui s'appelait Qui vivra verra. On a enchaîné avec un deuxième album, Forceps. Puis une mixtape qui s'appelait Laissez passer l'artiste. Et l'année dernière, on a sorti le EP Larmes aux yeux, sourire aux lèvres. Et on arrive aujourd'hui avec un album Fourrure et pompe funèbre. Et ben on va te découvrir pendant au moins une grosse demi-heure, tu restes avec nous? Ouais, ça marche. Allez, coup d'envoi, c'est dans les bacs depuis lundi, lundi 4 mai. Le morceau qu'on écoute maintenant pour débuter, c'est un extrait, c'est tout ce que j'ai, c'est ça? C'est ça, c'est un extrait de l'album, exactement. Allez, ambiance la nocturne, Bilal. Ouais. Abdallah Fren, mon frère. On m'a conseillé. Ouais, John. Ouais, Gouchon. À la Wallen, où mes principes me mènent. Doumo. À la Wallen. Tu veux du flot de la pêche? Annique ta mère. J'suis dans la street, ravitaille les gueux, j'en ai rien à foutre, ton rap de merde. Le même plan à la parisienne, j'vois que les drogues se prennent par le zen. Abdel a fleuri à la 12, j'vois que c'est les potes qui parlent d'oseille. Wallah qui compte me clasher, Wallah qui compte me clasher, Wallah qui compte me clasher. T'auras des couilles mais pas les siennes. T'as des barres de rire, loin de ces games, de cette gare de rive. La racaille dans la boîte à rythme, écoutez jusqu'à pointe en pute. Rancunier, on sera jamais quitte, regarde-moi, tu t'es bouche à pute. Dites à ces mères qu'ils arrêtent leur speech. Faites du bif, faut le faire des films. J'mène une life un peu trop bizarre. À la barre, j'ai maître des armes. Un vécu qui pue le désastre. Des drames, des grammes et des armes. C'est tout ce que j'ai. Romain Répem, AGN. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index est au 357. C'est tout ce que j'ai. Romain Répem, AGN. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index est au 357. Benga, ils ont tous le pif dans la droga. C'est des fous, que ce coca, des voyous, que ce vodka. Ah frère, si ton frère n'est pas allemand, le décapote pas. Tu me racontes quoi? Ferme ta boca et t'as de la locale, toutes ces putas. Fuck le game, j'ai rempli de farceur. Fais-moi de la place, la putain de ta sœur. Tu me vois monter quand t'es sur le phaser. Faut pas t'attendre à des coups de taser. Un attaquant, c'est comme un grossiste. Il aura toujours besoin d'un putain de passeur. Sur mes pailles, accent et sperme. Il crève de désir tout ce qu'espère. J'fais du bif avant qu'on m'enferme. La rue laisse un poil, même les imberbes. T'es perdu, tu penses qu'à la baisse. Tes sous partiront en même temps ton ex. Réveille-toi, fais des espèces. Au lieu d'être là, étrangler ton sexe. J'mène une life un peu trop bizarre, B-L-E-L. À la barre, j'ai maître des armes. Un vécu qui pue le désastre. Aïe, Bilal. Des drames, des grammes et des armes. C'est tout ce que j'ai. Romain Répem, AGN. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index est au 357. C'est tout ce que j'ai. Va choper l'album des BLL, la famille. C'est tout ce que j'ai. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index est ouais, ouais, ouais. Voilà, je vais tous me les faire sur la vie de ma mère. Oui, elle qui a tant souffert, la seule pour qui je pourrais prendre du fer. J'sais que je les gêne, leur faire du mal, c'est tout ce que j'aime. Ouais, Chalin. Mais je pense à mon fils car c'est tout. Yusri, enfoiré, SD. Rejdi, Kamel. Aïe, BLL, la famille. Romain Répem, ouais, Damien. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index est au 3. Ouais, Sabri, joyeux anniversaire. C'est tout ce que j'ai. Pizza Night. Moëz, bisous, Bora Bora, 144 rue Chemin Vert. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index est au 3-5. Ouais, Giannis. C'est tout ce que j'ai. Pépec du 59, je t'oublie pas ma sauce, t'inquiète. C'est tout ce que j'ai. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Wesh, Cousteau. Peace. Abdel, elle est pour toi, celle-là. Ouais, Romain. Abdel, a fleuri à la 12, mon frère. Ouais, mon gars, Cousteau. Tu nous manques, frère. mal aimé, car je suis pas. J'ai vu ce rap game avec des talents, tu sais que je sais, mais je ne parlerai pas. Le regard d'un muet en dit long. Je compte mes punchlines pour m'endormir. Passe me voir si tu veux un filon. Je vois sur joint et rien qui t'inspire. Change de pilon, raconte ta vie derrière le micro. Gros, tout se fait dans le ghetto. Gros, t'es grave en galère. Même les meufs te mènent en bateau. Fais pas l'ancien. On sait tous que t'es pris plus de veste qu'un porte-manteau. T'es tellement ancien que tu pourrais te faire Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Brigitte et Bargeot. Rap de merde, ça tire les ragots. Et tu plais plus, ça tire la rico. Je monte et je descends comme un arrière gauche. J'en veux plus, je suis pas rigolo. On t'a mis ta mère si t'es pas rigolo. T'as reconnu le vrai parigo. Public de merde qui n'ose me dire qu'il est derrière nous. Ils sont pas que les couilles de ma carrière. Ils veulent juste que je clash encore plus sérieux. Tu rap français et tu concrètes. Si t'es personne, ils te laisseront en chien. Pète un disque d'or et ces fils de pute affichent leur soutien. C'est la merde, les stupes filoches. Plus connu que la chatte à baloche. On sait qui c'est toi qui prends ses baloches. Tu fais tes meufs sans même les galoches. Elle me dit qu'elle couche pas le premier soir. Qu'elle est pas comme ça, que c'est pas une catin. Qu'elle est grave sérieuse, que je me fais des films. Bref, je vais mille matins. Ça rappelle, c'est plus quoi faire avec sa bouche. Quand il pleut, faut se mouiller. Même s'il faut faire avec la boue. Soir ça va pas, vers tes conseils. Viens pas me les pas, quand je suis bourré. En fait ta soeur c'est pas une caméra. Mais qu'est-ce qu'elle a le fait que tourner. Regardez-moi, ils sont lamentables. Faut un faux buzz, faut se rappeler. Moi mes semblables qui tapent une harbat. À la vue d'une putain de soir focus. Des fois à jeun, souvent rabat. Fais pas l'ancien, t'es bon carabat. C'est le terrain pour un handicap. Y'a plus de chance que la rue d'handicap. Ils ont la bouche sur la bite des carrés. Ici c'est street, ici c'est Paris. On sait qui sniff, qui donne les tarifs. On fait pas bien, on s'allume sans carré. Trop honnête, pas de voler. Ils sont dans la merde, ils font fait tomber. J'vais leur mettre plaider la folie. Tu veux la guerre, j'vais t'affaire comme Tony. Ouais Joe un friend, t'inquiète ma gueule, on t'a pas oublié. Ouais Joe, je t'envoie ça dans la semaine, t'inquiète pas. Ah frérot. Romain, il voulait un dédicace. Mushroom. Fleury. C'est la nocturne. Et c'est Bilel au contrôle de la nocturne avec le nouveau projet qui est dans les bacs. Qui est dans les bacs depuis le 4 mai. Saluons un peu tous les gens qui t'entourent quand même, Bilel. Parce bien sûr. Exactement, tout Belleville, une partie du 9-4. Aïe, aïe, aïe. Il y a Alain, JR, Landrilan, Rojdi, toute l'équipe de SD, toute l'équipe de T9-4. Aïe, aïe, aïe. Et bah, bienvenue à vous tous. Si, si. On si, va si, passer si, un moment avec Bilel et le projet qui est dans les bacs. Ça s'appelle Fourrir et pompe funèbre. Exactement. À découvrir vos messages, balancez 41759, le hashtag Skyrock. On part sur quoi, Bilel, comme morceau? On va passer Où sont les braves? C'est un extrait du projet? Ouais. Tu veux nous dire un mot? Qui a bossé d'ailleurs sur ce projet avec toi, Alain? Il y a, ben, en featuring, t'as Elamine, un proche à moi. T'as Drilan qui est là aujourd'hui. T'as Abyss. T'as Mouna, une rappeuse qui est super forte. Et t'as Lingo Scott pour le côté un peu chanté anglais. Et pour les beatmakers, t'as un peu de Big Nas. T'as du Spike Miller. T'as une grosse équipe de Suisse, la Overground Production, qui sont très très forts. Et t'as mon fidèle Curtis qui est toujours avec moi. Où sont les braves, on y va? Allez, c'est parti. Vrai mec du ghetto. Bilel, au contrôle de la nocturne ce soir. La rue est sur Skyrock, frère. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas changé, j'suis toujours le même, c'est moi Bilel. Regarde mon dos, frère, j'collectionne les opinels. Vaut mieux être seul et armé avec ce qu'il faut sur le val. J't'ai pas oublié, enfoiré. L'amitié, c'est éphémère comme une location. Et dire qu'avant on partageait nos guerres, nos peines, nos sandwichs. Aujourd'hui ça a bien changé. On se tire dessus pour le cul d'une bitch. Ouais, c'était pas qu'on serrait les coudes. Ou pour sa gueule je prenais des coups. Je pouvais même finir sous écrou. On était soudés comme une paire de couilles. Mais de nos jours ici. L'album est dans les bacs, allez le chercher. Tu perds la boule. Sans pitié, jette ton line. Ils feront même en sortir par le genou. Dis-moi sur qui compter. À part ton globe, tes couilles ou ta mère. L'amitié, ce capteau fil. Si t'es en chien, t'es dans ta mère. Tu m'as trahi, tu m'as grave déçu. Ouais Tchaï, je t'ai pas oublié enfoiré, c'est Idou mon gars. Tu nous manques frère. Aladdin aussi, TikTok. Adjack aussi. Ouais tortue. Tu te feras trahir par tes potes. De ce principe. Quelle drôle d'époque. Car les braves sont à la morgue. Yassou pour une gare. Tu te feras trahir. Où sont les braves? Où sont les braves? Où sont les braves? Où sont les braves? Où sont les braves? La vie m'a appris une chose, c'est que la confiance elle se perd aussi vite qu'elle se gagne. J'ai vu des mecs péter un câble, passer de Marbella à Sainte-Anne. Des mères en larmes quand ça défouraille. On a tous vu des meurtriers faire semblant de pleurer dans les funérailles. Les plus frappes ça remet ta gueule. Pour un terrain 30 000 E, j'ai vu des frères se fumer entre eux. Jamais mieux trahi par ses proches. Émotionnel vers l'ascenseur. L'amitié se transforme en totale quand c'est ton pote l'ralentisseur. Les armes c'est la vérité. Les bonhommes ça existe plus. Comment te retenir diquer des mères quand t'es entouré de fils de pute. Mais t'es seul quand tout va mal. Tes potos c'est que des bras cassés. Ton répertoire d'un hôpital. Aïman Elio. Car les braves sont à la mort. Chaïm mon gars, Lana, Naïm, Imran, Atef, Tonya, tous mes petits. Ali, la famille, on te dit pas. Back, back, dick, dick. Ma gueule. Allah. Dans cette putain de life, quand t'as du but, t'as tiré les choix. Elles veulent toutes devenir ta wife. Mais une fois que tu tombes et que t'es plus rien. Jolo. Où est-ce passé ta garce? Où l'LBI? C'est pas ce nouveau mec qui brasse. Et c'est la merde dans ce rap de merde. Ils te collent tous quand t'as du buzz. Sans valeur ni principe. Pour un feat, ils donnent sa reste. C'est la bite, c'est un nouveau MC en vol. Ouais. Dis-moi si je meurs demain. Assumeras-tu comme un frangin? Iras-tu voir ma mère? Non. De rien. Est-ce que mes gosses sont les tiens? Hein? Ah. Est-ce que mes gosses sont les tiens, mon frère? Bienvenue dans cette époque où on se boycotte pour un coup de rein. Abdel Fleury de 1. Tu te feras trahir par tes potes. Aladdin. Ouais, Roms. Poto Jack. Au poteau H. Aïe. Y'a ce ton, je pas, frère. Aïe, aïe, aïe. Mon négro, mon négro. Tout le zoom, ma gueule. Pizza Night. Ouais, Sabri, bon anniversaire, mon frère. Ciao. Sabri, mon gars. Bon, frère. Tiens le coup. Tous au trou. Planète rap. Ouais, ouais, ouais. Son rap français. La Dumengue. Mélancolique, les frères. Elle est tranquille, celui-là, la famille. Tranquille, là. Très, très lourd. Chameau. J'ai vidé ma bouteille d'eau. Je l'ai rempli de vodka. J'en ajoute du jus de pamplemousse. Et dans deux secondes, je m'occupe de vodka. C'est l'LB pour les intimes. Bilal pour les indiques. Je suis de ceux qu'on lève à 6 du mat avec un Glock et une insigne. La rancune, ouais. C'est faible. Mais comment pardonner? J'ai fait confiance à des frères. Ils ont fini par me donner. On parle pas, on agit. Ainsi sont les bandits. Je peux t'enlever la vie. Bourré sur un 600 bandits. La vie que je mène me désole. Que Dieu me pardonne d'avoir fait ce qu'il y avait à faire, frère. Je porte de maudits que ça. Je perds mon time dans la zone avec des potes qui fritent du jaune. On est tous les mêmes. On s'en veut grave pour nos darons. J'ai grandi comme un petit con. Bon qu'à exhiber ma haine. Je préférais couper les ponts au lieu de construire des passerelles. Pris par le mal-être. En regardant mon fils, moi j'ai appris à me connaître. En écoutant mon disque. Des soirs cogites, je pense au sou que j'aurais pu faire. Quand t'essayes de t'en sortir, la juge te répond avec du fer. Mais je te dis que tout est écrit, qu'on n'a pas à s'en faire. Maman fait des doigts pour que le créo me parte en fer. Je suis tellement pété que je parle aux potes au ciel. Je pense à les venger. Cette fois par semaine, je rêve dans qui est ces merdeux. Une fois au fond de sixième, non, je suis pas nerveux. J'ai jamais été aussi zen, je regrette les larmes de ma mère. Elle qui est tout pour moi, je rêve de voir mon pote ma R. Et de le serrer dans mes bras, lui dire pars pas à ce rencard. Il se pourrait que tu reviennes pas, mais aujourd'hui il est trop tard. Mais t'es plus là, on m'a dit c'est ça la vie. On quittera tous ce bas monde. Aujourd'hui on rit, demain on aura peut-être à rendre des comptes. Serait mentir de dire qu'on n'a pas souffert. Mais on tient tellement à cette vie qu'on craindra peut-être les yeux ouverts. Du mal à aimer, du mal à m'attacher. L'impression d'être vide. Maher, on pense à toi mon frère. Je comprends plus rien, c'est le bordel, tout va trop vite. Ton frangin un peu laissé, ça sert à maman. Sur la vie, tout ça pour le charme d'une femme. Ou une somme dérisoire sur le boulevard. J'ai vu des potes faire le trottoir. Donc je prends place des fêtes, NAD. J'ai appris à faire avec. Perdu dans mon mal-être, suis-je le seul dans ce cas? Non, à mon avis, je sais que vivre dans le passé, c'est sombrer dans l'oubli. Qui vit des armes, périt par le fer. On répugne la halam, mais on finit par le faire. J'avais pu m'en. J'aurais esquivé la tôle, j'aurais arrêté le temps, mis pause sur le sourire de mes mots. Qui sait vraiment ce que j'endure? Trop pudique pour en parler. On Lana sur sa chute, mais de sa manière de se relever. Le cœur parle, les larmes répondent. Même entouré, j'ai l'impression d'être seul au monde. Ça faut, Marwa. Avant que je rejoigne les cieux, aurais-je le temps de chahed? Ta famille Chahibi. Aïe. B.E. L-E-L, la famille. Réos et Réas. Aïe, aïe, aïe. Tous les frérots à fermer. H.E.D. L'Opré. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Reda Chaville, mon frère, Marian. Rapatem, la famille. Rampono, Rebe, Valzou. Wesh, ma gueule. Belleville, en vrai, c'est nous, vrai. C'est la nocturne avec Bilal. Voilà. Bilal au contrôle. Calmons-nous. Bilal au contrôle de la nocturne. Jack Daniel dans ta gueule, ma gueule, ma mère. Voilà. Non, pas tout de suite. Ah, après alors, vas-y. Après, on a le temps. On va la faire chaud. Tranquille, tranquille. Ouais. Tout doux. Bon alors, on va mettre un morceau maintenant, Bilal. Ouais, un morceau de Drillan. Qui est là, Drillan au micro. Drillan, gueule Travax avec mon zoom, ma gueule. Drillan qui est là. Tout le monde, JR, Backback, Ricky, pas de problème. Drillan, un petit mot, toi le morceau qu'on va écouter, on peut le retrouver quelque part, tu vas le sortir et... Ouais, on va le sortir, le zoo, poto, on est là en train de faire les projets, on est là tranquille. Et là, ça bosse, ça charbonne ma gueule, et là on va sortir le projet dans pas longtemps là. C'est inédit là. Et alors Drillan, on peut te suivre un peu sur le net, on peut me suivre sur le net, Drillan officiel Facebook. On peut me suivre, je suis là, même sur YouTube. On va écouter ce morceau maintenant dans la nocturne 100% si, français. Bien. Belleville Zoo. Ah. Oh, Shrooms. Dimitrius. Oh, ma gueule. On est là. Rebeval, Rampono Zoo, Lorient Zoo, Rupia. Bra. Ah. Ça va se régler comme ça, arrête tes bla bla bla. Sur la vie on brisonne pas. Bla bla bla. Tout ça va se régler comme ça, arrête tes bla bla bla. Sur la vie on viendra chez toi. Bla bla bla. Tout ça va se régler comme ça, arrête tes bla bla bla. Sur la vie on rigole pas. Bla bla bla. Tout ça va se régler comme ça, arrête tes bla bla bla. Salope on viendra chez toi. Ça me parle de FAMAS, ça me parle de KAMAS. Ça me parle de gros clash et de queue ravasse. Ouais mon gros ça dit vague. Ça me parle de grosse liasse. Ça parle de gros KAMAS. Faut pour un gros FAMAS. Gros cylindré, voiture blindée. VB l'éco, kilométrage. Gros plein de chargé, amputé, haché. VB l'éco, faut qu'il te zache. Les petits sur le terrain, les potes en R1. Et les refaits roulent en série 1. Quelques critos, quelques persos. Ça se fut à fond le jeu. C'est fini, je révèle l'occasion. On te recherche, t'as disparu. On demande à la clique, personne t'a vu. De retour dans le cœur, tu prends plus de bruit et plus de vues. On te recherche, t'as disparu. On demande à la clique, personne t'a vu. Dans le peur à trop d'inspi, mais moi j'en ai marre de les écouter. Les flocos sont trop de spi. Laissez-moi juste un doux, ils sont dégoûtés. Contraction, sors, ta tête, tu croyais quoi que ça allait pas le faire. Sors, ta queue, tu croyais quoi qu'on allait rien faire. Sors un doré, sors une cimette, sors une feuille, on va les rouler. Sors une vue, sors un film, trop stylé. Le flow était fou, mais pour toi c'est le stop. Pour les yeux, t'as encore rien vu, pas si ça pique que du vécu. Parlons peu, parlons bien, y'a trop de poucas sur le terrain. Tu voulais de la frappe qui frappe la frappe. Gros, écoute du que travail. Pour les mecs de mon zoo, toujours en place. Tu veux, j'avance à la place. Stop, attends, j'en assiste. Gros, big up au piranha. Père de la street, ouais, qui va là. Père de la street, ouais, qui va là. Vert, jaune, billet violet. Accompagné d'un double bonnet. Putain, que train va vous détrôner. Putain, que train va vous détrôner. On a fait le taf et on se casse. Y'a ceux qui se reconnaissent que je dédicace. Tu voulais de la frappe qui te pèvera. Déballe le tosma, déballe le choca. Faut que ça chie. Y'a qu'avec du pif qu'on fait la dîme. Y'a qu'avec du souffle qu'on fait la dîme. Bra, bra, bra. Tout ça va se régler comme ça. Arrêtez, bra, bra, bra. Sur ma vie on rigole pas. Bra, bra, bra. Tout ça va se régler comme ça. Arrêtez, bra, bra, bra. Salope, deviendra chez toi. Bra, bra, bra. Tout ça va régler comme ça, arrêtez. Bra, bra, bra. Sous ma vie, on rigole pas. Bra, bra, bra. Tout ça va régler comme ça, arrêtez. Bra, bra, bra. Ça va, on viendra chez toi. C'est pas calmer moi, t'es violemment. T'es un peu sale, gros, cherche pas ton droit. On marque des buts, à la belle des buts. Ma cause des fils de pute. On s'éloigne du but, de nos jours, les carottes sont cuites. Gros, surveille ta ligne de conduite. Pas mental d'enculé, les pavés, les papiers. Papa chinois, même pas ma joue, papa plus. Sauf qu'on fait taquer plan, ça soulève sec. Les bâtards traquent autour d'un sky sec. Mon vaccin se roule à la dure. Même si c'est pris, gros, on s'en bat les couilles. On squatte le terrain, demande à M. On est par on dans des zéros. J'regarde droite à gauche, à R, au KLM. Mes histoires de fesses, faut qu'on encaisse, faut qu'on se casse, faut que ça fasse, système reste, on s'entasse, faut que le partage, cash, cash, money, money. Faut qu'on encaisse, faut qu'on se casse, faut que ça fasse, système reste, on s'entasse, faut que le partage, cash, cash, ouais, le 31, je suis la concu, un gros doigt dans leur cul. Y'a des choses qu'on prenait tant, qui diront pas de leur vécu. Qui était là quand c'est plus de bravé. On continue pour faire une sorte de javé. J'arrête le terrain sur mon clan, je regardais. Je vais t'allumer même sur du tout pavé. Pour la fête de haine et chaude, cette salade écarte ses fesses à demain. Je vais la briser aujourd'hui, ouais, et je crois même jusqu'à demain. Je les écoute, ils sont tous nuls. Donc dans mon zoo, on cherche les mules. Faut que tu saches, petit fils de plus que dans mes 16 mètres, personne dissimule. Plus d'un quart de glace. Pour la voix, il pique à glace. Y'a les bus à part, on chasse tout ça pour des sacs, des tasses, des liasses. Que si, attends, j'comprends pas tout ce qu'il raconte, c'est salopard. Ça veut jouer les gangsters. Même Nabila est fait au placard. Au placard, même Nabila est fait au placard. Au placard, au placard. Même Nabila est fait au placard. Bra, bra, tout ça va se régler comme ça. Bra, bra, bra. Sous ma vie, on rigole pas. Ça va se régler comme ça, arrêtez, bra, bra, bra. Sous ma vie, on rigole pas. Bra, bra, bra. Tout ça va se régler comme ça, arrêtez, bra, bra. Ça va se régler chez toi. Bra, bra, bra. Tout ça va se régler comme ça, arrêtez, bra, bra, bra. Sous ma vie, on rigole pas. Bra, bra, bra. Tout ça va se régler comme ça, arrêtez, bra, bra, bra. Ça va se régler chez toi. Travax 9-4, ma gueule, Kimsa 9-4. Salim, salim, frère, je t'oublie pas. Kiki, Jamel et l'arabe de la reinerie Toulouse. Lyon, les maquettes. Ta tête, grosse rafale, celle-là, elle est pour toi, mon frère Abdel. Wesh, ma gueule. C'est dans les bacs déjà. Fourré et pompe funèbre, allez le chercher, frère. Ça défaut aïe au kilo, le micro Uzi chuchote. J'suis entouré de barjot, loin de ce rap game rempli de chouchotes. Espoir être j'arrête pour bientôt que j'retourne vite à mes occupations. Drogue, bolo, juge, croque, bagarre, moi dans ma masturbation. Boum, shoot my petit, paye tes dettes avant que le coup part. Dans ce rap game c'est rempli de trous de balles, y'a pas de gangster, j'entends que t'es coupable. La rue c'est barbare, garde pas, mets ton pare-balle. J'ai perdu des potes que le GPS ne retrouve pas. Et trouver des boutables à la flamme de Riva. Ben j'ai niqué, j'lave j'dis tout pété sous vodka. Rappeur de merde, ton avance vaut même pas le prix de mon avocat. Baiser des putes, j'ai dans la texte. Pour eux, c'est ça la mort du risque. Y'a autant de bonhommes dans ce rap game qu'à de pickpocket chez l'inutile. J'suis rentré dans ce rap game comme un bonhomme sans sucer personne. J'espère avoir le temps de chien, frère, avant que mon heure sonne. J'suis rentré dans ce rap game comme un bonhomme sans sucer personne. J'espère avoir le temps de chien, frère, avant que mon heure sonne. Ça défouera au culot. Ça mettrait pas pour moins de 5 kilos. Ah, j'suis écouté dans tous les ouais, ghettos. Ah, n'en compare pas à des voyous de studio. Avant toi une fille, j'm'en bats les couilles. J'm'en bats les couilles. 4-7 esclavage, mon continent sans plus les coups. Sans plus les coups. Le rap c'est perdre de temps, c'est comme hacker un sadomas. Faut j'ai un tout droit de freine. Braquage meurtre, moi ton plaque, il parle de masse. La rue c'est pas clean, les valeurs ils s'empilent. Quand on prend moi que personne sort indemne du maquis. La poisse taquine, elle fesse au tapis. La vie est tellement moche, les suicides se maquillent. Ça mitraille, ma taquette, le massacre. Tu as des armées dans le game, car il m'insacre. J'ai les rastables, j'entends pas ce rastal. La rue me dit pas t'as prends ton bif et casse-toi. Des sous on en a fait en or froid. C'est pas le souci, MC tu grattes tes testicules quand je mélange les champagnes et sushi. Quand je suis là ils sentent pas bien. Je les empêche de faire les gros pas la main, c'est pas le chien. Ça m'évite trop de faire le con. Dandy, je reçois tes textos. Tu sais personne, tu perds à part le ouais, je vais j'amour. Tu rentres dans ta gueule comme un ton homme. Tu sais personne, tu perds à part ma gueule, ta gueule, on est là, ça va voir quoi. Ça défouraille au culot. J'en mettrai pas pour moins de 5 kilos. Jamais. Abdel, à Fleury, au terrain, mon frère, mon gars. Monte le son. Toutes les prisons de France. Ouais, là, deux mecs. Mais laisse-moi. Vas-y, mets le son là, mets le son à fond. Où t'étais quand j'étais aux abois? À la dinde, tchèque. À gueuler de bambou. Soir, ça va pas. Ferme ta gueule, serre un verre. Je me mets à boire. Savoir est une arme, je m'en bats les couilles. J'allais ta mère, je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Je vais aller au savoir. Y était vu ta tronche, ouais, c'est pas ta faute. Après je suis venu, j't'ai pressionné. Tu t'es mis à 10 ans ton meilleur pote. T'inquiète, je vais pas t'arrêter. Je vais te crever de faim, j'peux te faire être une guerre nationale. J'ai chauffé le banc de la vie. Je suis rentré dans ce rap game comme un bon. De Belleville, frère. Rampolin, Rupien, Rébéval, Rue de l'Orient. Si t'es bon, personne, lâche les fesses. La zone, la zone, frère. La banane, nini, de la banane. J'peux y passer, le Félix, copium. Didro. Je ne mettrai pas pour moi de 5 kilos. Ouais, Damien. Je suis écouté dans tous les ghettos. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Me compare pas à des voyous de studio. Jamais. Ah. C'est la nocturne avec Bilal et un extrait de son projet qui est dans les bacs depuis le 4 mai. C'est ça, exactement. C'est ça, hein, Bilal. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Ouais, comme un c'est bonhomme. C'est fou le calme d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? C'est non, on est toujours là, Fredo. On est toujours là, ouais. On sait les messages balancés avec Bilal. D'ailleurs, Bilal, rappelle-nous, on peut te suivre aussi sur le net. Tout ce qui est réseaux sociaux, en fait, tu peux me suivre sur ma page officielle. Sur Facebook, c'est Bilal, B-I-L-E-L. Sur Twitter, c'est Bilal, c'est Wam, B-I-L-E-L, tiré du bas, c'est tiré du bas, Wam, O-I-M. Et pareil pour Instagram, et voilà. Mais bon. Je suis plus sur Facebook que les autres. On va finir avec quelques morceaux. Juste un morceau donc qui s'appelle La haine a pris le dessus, c'est ça? Ouais, je vais présenter. C'est un gars à moi qui s'appelle Dutchy94 qui vient de Chennevières, Bolabé. C'est ça. On met un peu de lumière sur lui. Le but, c'est de se faire la passe dans le rap, tu vois. T'as raison, ouais. Reste pas à bailler le L, la famille, faut aller chercher l'album. Il est très très lourd. Objectivement parlant, il est très très lourd. Donc voilà, c'est un rappeur qui émerge à côté de moi et on va essayer de le pousser un maximum. Inch'Allah. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre, toi? Balance quelques infos. Bah, moi, tu peux taper Dutty94 sur Facebook, D-U-T-Y espace 94, N-E-U-F-K-A-T-R-E. Sur Facebook, voilà, tu trouves directement. Il y a l'album qui est sorti, il y a des trucs et vas-y. Suivez-le, suivez-le. Mais on suit. Dutty94 Am Semi Dogs, la famille Chenvier Champigny, BLL. J'écris ce que je ressens, ce que je. Tout ça dans des mesures, je suis pas dans la demi-mesure. C'est des blocs que j'envoie, fier ou de classe. Je suis fier, j'ai la classe. Parfois je suis d'une humeur grisâtre, cassé dans la street que j'ai fait mes classes. T'apprends à être dur car être doux c'est pas une qualité. Jeune vierge sans manœuvre qualité. Comparé aux 16 il n'y a pas des qualités. Qualité de penser aux racines, j'ai une envie. Tu critiques la tête, c'est nos textes, mes rayons sont les remplis de mœurs. Une classe des annonceurs qui s'en sortent dans des milieux sortis. Touche-les et toute une ville est sortie. Ça kiffe le pif, la bouffe, tirer sur les spiflo comme un spoof. Ça charge plus en face à face, mais c'est un dénime sur Facebook en plus. Ça fout le spell, car sans cesse l'état nous traque. Mais si on se braque, on craque, on lâche plus un train sur un track. Mais plutôt sur un proc qui troque sa conscience humaine pour monter de grade. En remplissant les quotas du maire et merde. La folie monétaire traverse des mers. Ça jette des parts de pain pendant que d'autres pour des miettes se démerdent. J'en ai pas ok, un thème rayon, c'est pareil. Indirectement, il drague ta femme. Baisse-le, c'est pas un rage. Baisse mes mots, je n'y pas de rail. Je suis net esprit, je m'exprime. Je porte ça comme une prime, pas comme un crime. Vive comme à l'escrime. Je touche, je recule. Parfois, je bouge, je tue. Attention, mise. Ça, si tu touches, tu veux du lourd, viens me chercher. 9-4 balles dans le chargeur, prêt à te charger comme un chargeur. Me parle pas si on se déteste, si j'ai coupé les ponts. Je fais du rap de test, pas de tasse à une lettre qui sépare nos textes. J'écris depuis mes 16 piges, à la recherche de l'inspi. Si tu manques de respect, vérifie que tu respires. On se respire, ça la passe. Mes rayons préfèrent Bibi qui t'apprend. Le seul enfer des loups, baiser l'état sans péta. La street c'est un spectacle, la France a le premier rôle, c'est méta. J'ai la haine contre ces schmitts et la justice. Ils jugent les gens du pays de l'éléphant, mais troquent leur défense. Hein? On joue l'hypocrisie, devant la sincérité, c'est bien. De toute façon, tout se sait, surtout la vérité. Notre crédibilité est à vérifier. La banlieue n'est pas faite de débilité, mais de virilité. Car on se laisse pas faire un bonhomme, ça fonce quand il le faut, en esquivant la sonce, car tu perds les vrais et tu cantines. J'enfonce le couteau dans la plaie jusqu'à toucher l'os. Et je suis loin de me plaire, je suis franc, quitte à bouger en los. Pour mes rios et rias qui soutiennent, j'en place une. Si je me sens du père, je suis vrai la mec, même si c'est plein sud. Eh, hey, mec, y'a deux issues, j'ai fait de l'euro, tu te pisses dessus. Eh, hey, tous les pauvres, t'as fils de pute, t'as dans le halal ou les business, type. C'est stupide, tu piges de spot pour nada. Mais si t'insultes la mer, même droitier, tu se feras la gauche de Nadal. Je réponds les gens qui pètent dans l'eau, petit dans les dents de l'aigle, faut avoir les dents. Car il déraille ce monde, faut mettre des carottes pour être un chef. Balancer des salades, retourner le port au Guilien. Parfois je suis vénère sur mon compte bancaire. Ce dernier me fait la gueule, garde la BCE, j'ai pas braqué la banque. On joue des coups de poker, un nœud comme un coquère. Tu te lèves pas pour le fashion, m'assiste, tu m'as pris aussi le poker. Franchement, l'économie souterraine arrange tout le monde. Je dis pas que c'est good, mais y'a pire comme vendre des bouts de monde. Ça bla black man sur les blur black man. Comprenez qu'on devient malade et qu'on se débrouille seul comme. J'ai taffé au lycée, j'ai même eu le BAC. J'ai des cicatrices dans tout le corps, mais je sais que c'est pas assez. Ça veut tous brasser, plaquer son place à la Brassens. Mais on n'est pas dans un film, quand tu perds la vue, y'a pas d'une trace. Donc qu'il fasse attention, qu'il couche ses arrières. Si tu n'es pas simple, il te donne craint à la césarienne. La vie est devenue chère et le chômage a grimpé. J'ai grave payé des amendes, assez de nous agrapper, assez de nous suer jusqu'à là. Où vont nos impôts dans les pots présidentiels? Vous nous direz pas combien ça. Rios, j'ai la haine qui coule dans mes veines. On fait des choses pour les mêmes pas profit. On s'entretue et c'est. J'ai le cœur atrophié et ma haine a pris. À trop de filles aux apparences, t'oublies ta peine qui. 100%. Dernier morceau, l'album Fourrer et Pompe Funèbre, c'est dans les bacs, allez le chercher. Allez choper puis la famille. Y'a R, y'a même double R. Je n'allais rien faire sur la vie de ma mère. Comme la mort, j'appuie la leur. Pile à l'heure. La vie de ma mère qu'on y craint la leur. Qu'on y craint la leur. Je m'en bats les couilles d'être le meilleur. D'être le meilleur. J'entends parler de fusil mitrailleur. Fusil mitrailleur. J'suis marre de trouilles quand j'écoute leur vécu. Trop de principes pour faire ta récup. Y'a que tous les jours pas qu'ils m'ont jamais vaincu. Enfin débarrassé de Sarko et de sa pute. Un de merde avec me tricard. C'est payé le L, bande de bâtards. Fils de pute, t'as joué mon placard. A 260, fais des tisons à gars. Rap, musique, rap, musique, schlag, cuisine, crack, cuisine. Marre de la rap de gogol qui nique leur mère la pute. Dans la cousine, c'est plein d'hypocrites. En fils de nuit, fais du but, faut le faire des selfies. Si je m'écoutais, je ferais plus un seul kit. Plus un seul clip, plus un seul film. Plus de frappes dans un terrain de foot. On voit peu, on vend un peu. Ce qu'est rare et cher. Pour la gloire, ils vendraient père et mère. Père et mère. On perd de classe, j'suis sur Paname. Pépère. J'ai ce qu'il faut pour faire la guéguerre. Ça fume du jaune, ça fume du jaune. Sous votre capote, sous votre capote. Sous ton ketchup, ta meuf me mate. J'ferai d'elle ma pute. Jamais ma femme, jamais ma femme. J'vis la rue, j'suis pas de ceux qui bouquine. Quand j'bois des litres, je me fous comme Poutine. J'ai comme une envie de briser la routine. J'crois que ce soir, j'veux faire mon routine. Que de la flûte couffrant du sud. Qui vend de la dure, qui a de la pure. J'fais tout ce cul en couffrant du sud. Dans la zone, posé avec Alain. Loin de ce rap, tous ces bouffons. Mec de Chaville, y'a pis, celui-là. J'ai vu des larmes dans l'œil du canon. Ils se réveilleront de tête avec des couilles. Ils font ma pute dans leur fion. Ma vie en haine, Y'a R, même double R. frère, tu peux faire ta vie avec deux pères. Abdel Fleury, mon frère. Tu veux arrêter le rap, voir ces chiens me dire par pas Bilal. Gymnase de la street, bon qu'à faire des barres par Helen. Connu dans le rap, j'ai les gueules, la US, c'est gros trafic. T'es venu pour un beat, t'es reparti avec l'échographie. Rap bien, chanterai jamais pour les gamins, mon gars. Plein de trous à la ça frise la polygamie. Vulgaire mais c'est insiste. Nique ta mère un tout petit peu mes frères. Ta petite mère tu te fais visser. Mais pas un petit peu de mon petit peu. Pour être célèbre. Mis à genoux que par Dieu. Loin de ces putes sans principe. Même les trottoirs ne voudraient pas de. Roubaix, Roubaix. Roubaix, voir les yeux. Pour mes gars du Nord 59. Les mecs du 9-2, les mecs de Villechard. Aïe, rue en pierre. Chaque année comme lui. Allez choper l'album, DJ Tuili, Yapi. Allez choper l'album, Chamou. Allez choper l'album, Fou. Allez choper l'album, BLEL. YAR Mourir pour funèbre. Trop les Jones. Ouais John, on est là ou quoi? Ouais, ouais John, friend, frère, je t'oublie pas, dans la semaine je t'envoie ça mon frère. Abdel pareil, t'inquiète pas, voilà tu reçois ça direct au prochain. Prochain par alors t'as ça frère, t'inquiète même pas. Ta fille mon gars, Sophia. J'ai écouté, je pense à toi. C'est la nocturne, merci Bilal. Merci à toi Fredo. Merci d'avoir passé quelques minutes avec nous. On rappelle que le projet est dans les bacs depuis le 4 mai. Il s'appelle Fourrir et Pompe Funèbre. Et Pompe Funèbre, ouais. Et bah salut à tous les gars du 19 qui étaient là avec normal. Nous. Le 9-2, j'ai entendu 9-4. Il y a le 20ème, 9-4, 19. On est cosmopolite. Bon, et puis on rappelle donc Bilal dans les bacs. C'est ça, exactement. Et puis peut-être suivez-moi sur Facebook, tapez Bilal, BIL. Ouais, pour me suivre sur Facebook, tapez tous Bilal, BILEL, il y a une page officielle. Suivez-moi, c'est moi qui est derrière le compte, je réponds en instantané, il n'y a pas de souci. Et ben merci à vous tous, passez merci une bonne toi, Fredo, soirée. Merci à toi Fredo, allez choper l'album. Ouais Fredo, si Fredo, pompe funèbre. On va le chercher, on vient te chercher enfoiré. Oh merde. Allez choper l'album Bilal, la ma mère c'est du lourd frère. Voilà 294 soutien Bilal, la famille, faut y aller. Merci à vous tous. L'invité de la semaine prochaine dans Planète Rap, c'est Youssoupha. On l'écoute avec Manchaf maintenant dans la nocturne 100% rap français. Bonne nuit, le son continue. Quoi qu'on était calme fils, t'as du mal comprendre. Dans ce foutu rap, y'a qu'à mon mic à qui je fais grave confiance. À ce niveau-là, j'ai pas de morale ni de cadre conscience. Nique l'autotune, nique le trap, nique le rap conscient. Il faut que tes gars se concentrent, il faut que tes gars se contemplent, cache content, book toujours indépendant, mais regarde contente. Que le rap français me néglige, il ne sait pas ce qu'il rate. Si j'étais né vers Queensbridge, je serais Nastina. Ils parlent de shit gun, gangsta dans leur petite gueule. Mais calme-toi ma petite gueule, à ce qui paraît un big buzz. Chercher le buzz, ça reste le biz des blaireaux. T'as dû faire 200 000 vues la semaine où j'ai fait 200 000 euros. Mais c'est pas parce qu'on veut se faire rare qu'on est plus à la mode. Les rats ne deviennent jamais rois, même quand le lion est mort. Énorme, on prend du grade, les mauvaises langues j'acte. Et à la fin, c'est nous qu'on gagne, c'est nous la manchap. Manchap, c'est ça même. Manchap, on vous avait dit qu'on allait rejeter. Et à la fin, c'est nous qu'on gagne, c'est nous la manchap. Geste, geste, geste. Geste, geste, manchap. Geste. Je reste posté là, quand les fantômes deviennent des hologrammes. J'ai vu Tupac au festival de Coachella. J'ai accroché la bête, je vous vois hocher la tête de ce côté-là. J'guette, je reviens choquer la fête, ok. Pendant que le temps te détend, il est temps dans la tente, militant, prends le temps de décoller. Dédicace, lyrical, pour tous les gars, délicate, illégal, illégal, sans les données. Si tu fais les comptes, y'a les comptes, dis les comptes et les tombes et les comptes. Si tu tombes, t'as déconné. S'il y a des balances, alors tendez les bandes et les bandes et les bien avant qu'elles tentent de nous donner. J'rappe en carnage, Black Riposter, Skin Jazz chasse à karma. Pas Harry Potter. Et j'ai l'humeur qui change beaucoup. Va demander à tes potes. Je suis tyrannique mais un peu cool. Saddam Hussein Bot. Et je me révolte authentique comme un Chicano. En moi tout seul l'orgueil de Vegeta et de Cristiano. Je les rends parano. Du coup les mauvaises langues chaque. Mais à la fin c'est nous qu'on gagne. C'est nous la grande chasse. Dès lundi, 20h-21h, Youssoupha débarque avec Négritude dans la planète rap, 100% rap français. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Qu'est-ce qui vous fait rire ? La planète rap. La planète, la planète bah oui, rap. La planète rap. 100% rap français, Ice Lemsi. C'est ce qu'on écoute maintenant. Des sur fois, Skyrock. Je me demande pourquoi je fais tout ça. La musique. J'ai le même dirty que mon tartineur. J'tiens le micro comme le daron tenait le martinet. J'ai le swag d'un bico qu'on attège à Baltimore. Va multiplier les dinars et lâche ton narguilé. Mon schlasse dans ta musculature, ma mitraillette refait la déco. Bolos, transac, filature, bœuf, carotte avant fouille du dépôt. Rentabilité, main de fer dans un camp de velours. C'est le retour du venimeux, volubile en mille verres. J'ai trop de fer, hashtag, sidérurgie, tant d'énergie. Déjà minot, j'pensais comme un millionneur. Belvédère, ton maté, j'dans ton hut. Mes bico coupent le champ dans la hutte. Mes placons des bourrelets dans la nuque. J'rappe plus vite que mon ombre, hashtag. Je n'ai pas dormi depuis 6 mois, mais je prends sur moi. Bico, j'suis fire. J'rappe plus vite que mon ombre, hashtag Lucky Luke. Dégoûté de ce milieu sournois, j'n'aime que mes locaux, j'n'aime que mes locaux. J'suis un électron libre, hashtag Einstein. Loco, j'ignore ce que Dieu me destine. Loco, mon orgueil est en guerre avec ma modestie. Loco, j'irai pas plus loin, me disent-ils. Loco, j'ai ce qu'ils n'auront jamais, du goût et du style. Allez, il serait temps d'accélérer le rythme. Prince de Paname, je suis un artiste et une industrie. Allez, je m'arrache avec une loca magnifique. Sur la péninsule ibérique, déguster langoustine. Je peux pas tourner le dos sans qu'ils ne parlent de moi. La musique dans la peau, mes locaux savent que je n'ai pas dormi depuis 6 mois. Toujours dans mon ghetto, loin de ce milieu sournois. La rue m'a vu grandir, elle a fait de moi, aïe, j'avais rien, mais j'étais sur le texte à 11 piges. Plus d'école à 15 piges, dans la vie tout a un prix. J'en paye le prestige, la jeunesse fait qu'on se fiche de ce qui doit nous intriguer. Triangulaire zone, bitch, tâche à temps digestif. Je ne veux pas travailler, je veux juste aller racailler. Manger des cailloux jusqu'au Porsche Cayenne, plutôt Porteline, je veux les rafaler. Je n'ai pas dormi depuis 6 mois, mais je prends sur moi. Bico, je suis fire. Je rappe plus vite que mon ombre, hashtag le kill. Dégoûté de ce milieu sournois, je n'aime que mes locaux, je n'aime que mes locaux. Je suis un électron libre, hashtag Einstein. Triangle d'or, mon label. Passe au bureau, ma belle. Je butine les fleurs du mal, je conduis ce gamos d'Allemagne dans un ensemble abeille. Triangle d'or, mon label. Passe au bureau, ma belle. Butine les fleurs du match, conduis Gamos d'Allemagne dans un ensemble à baie. Je n'ai pas dormi depuis 6 mois, mais je prends sur moi, Big Boss, je suis fait. J'rappe plus vite que mon ombre, hashtag le kill. Dégoûté de ce milieu sournois, je n'aime que mes locaux, je n'aime que mes locaux. Je suis un électron libre, hashtag Einstein. J'rappe plus vite que mon ombre, hashtag le kill. Je suis un électron libre, hashtag Einstein. Français 100% explicite lyrics. La nocturne. Nouveau son de Médine. République, nation, c'est que des stations métro. Encore une phrase qui devrait remplir la gueule de Finkel Crotte. 10 ans plus tard, j'amène mon message par les voix de la provoque. On prend les mêmes et on recommence. Kellogg stand up and wake up. La France, j'y suis, j'y reste. Anticolonial, Jean Jaurès. Je suis un nouveau franco-algérien comme Jacques Mansour, Vergès. Je suis le coq et le fennec. Vois-tu la voix que je fais naître? Je suis un cocktail explosif, Ramadan, Brassens, c'est Edvy Plenel. On cherche des modèles, ils cherchent des modèles économiques. Tu cherches le problème? Il n'est pas dans les mots d'un gosse de 8 piges. Bouge d'apologiste. Si t'es en mode rebook, Polo Jean. Ce n'est pas de l'incitation, c'est de la franchise. Parole d'Apollo Creed. Dans les nocosomes, on a les chromosomes. Bonhomme et Amazon. Ma peau, mon étoile jaune. J'appelle au djihad social pour contrecarrer l'illettrisme. C'est les politiques qui nous emboîtent le pas. Nous on agit que par mimétisme. Mon blasphème est dit, version latine. Dans la sainte ville d'El Madina. Qu'on m'assimile, me dénomine. Mais le peuple m'appelle Madiba. A minima, l'assistana. N'est ni plus ni moins qu'un suicide assisté. Mon mini-moi assistera. A la fin des temps c'est déjà programmé. Ce que je suis parle tellement fort qu'on en oubliera ce que je dis. Ce que je suis parle tellement fort qu'on en oubliera ce que je dis. Ce que l'on est parle tellement fort qu'on en oubliera ce que l'on dit. Ce que l'on est parle tellement fort qu'on en oubliera ce que l'on dit. Ce que l'on est parle tellement fort qu'on en oubliera ce que l'on dit. Ce que l'on est parle tellement fort qu'on en oubliera ce que l'on dit. Je suis qu'une statistique pour la place Bobo. Un peu d'exotisme pour la classe Bobo. Sur tous les plateaux, une cible de paintball. Et je suis pas le poteau à Dominique Sopo. Voter FN, c'est les chaises en crachat. Monte dans l'airplane, le pays se crachera. Chaque fois que je parle, j'ai des articles à charge. La liberté, ce n'est pas que pour chat. On m'a colonisé. Je viens rendre l'appareil. Après le tas de billets, y'a toujours un tas de problèmes. C'est la saison 2. C'en est fini d'être assaisonné. Libérons-nous des chaînes de prisonniers. Les immigrés ne sont plus saisonniers. Et je le prouve tous les jours. Sur des brottes de boulettes. Prouve tous les sourds. Qu'au discours, Heinz s'attire à boulet rouge. Envie tempête sur tous les terroristes de la pensée. Le mensonge répété mille fois ne deviendra pas une vérité. Ce que je suis parle tellement fort qu'on en oubliera ce que je dis. Ce que je suis parle tellement fort qu'on en oubliera ce que je dis. Ce que l'on est parle tellement fort. C'est la nocturne 100% rap français.

soirée, direct au bar, j'allume mon pétard, garçon une Henken, pas de pastis ou Ricard. Fais de la place connard, j'suis cher. Ouais, loup bar en trois quarts, les yeux cassés, regarde mes yeux de gyrophare. Bien rouge, j'ai l'air paro barjo, et même louche, le premier qui me bouscule, je casse la bibine dans la bouche, je couche, mes souches, 20 ans de cité et de métier, et à l'heure où je te parle, au 13 c'est plat craqué. Et à la fin, on fera péter les bouchons, les pochetons, trois feuilles de coston et une coupe de cordon. On te laissera peut-être le carton et peut-être la taille en fond. A cette heure-ci, tu vois rien, tu fumeras comme un con. Comme un con. Le spliff. C'est qu'il fallait allumer une pique. Une carré AP. Spliff allumé, une pique fumée. C'est pas le calumet de la paix. Qu'est-ce qu'on popo, histoire d'animer. Rimka AP, en moins de deux, auto consumé. Afghan et taille grasse, et le rôle 13 est enfumé. Spliff allumé, une pique fumée. C'est pas le calumet de la paix. Popo, histoire d'animer. Rimka AP, en moins de deux, poteau consumé. Afghan et taille grasse, et le rôle 13 est enfumé. Ouais, tu peux enrouler un autre, t'inquiète. La nocturne.

parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Ça sent la sueur au labo, des traqueurs sous le capot. Sans prendre tous les bracos, visé en plein cœur, tous ces raclos. 3 litres de V6, 6, Iblis. Jeune, c'est net qui persiste. Et les ténèbres s'éclaircissent. Les singes viennent de sortir du saut. Armés comme à l'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau. Les singes viennent de sortir du saut. Ton cadavre derrière quelques plots. Le sang est plus épais que l'eau. Armés comme à l'époque du clos. Les singes viennent de sortir du saut. Y'a que les ficelles de tes strings qui te soutiennent. Et les draps s'en souviennent, Gros bras pour que Katia tout vienne, Me fasse un Rio Gras ou un Tchepoutien. La chambre est assez grande pour plusieurs chaînes, Le torse est assez large pour plusieurs chaînes, Dans le monde des blancs, les billets sont mauves, Chez nous, l'animal dominant est un noir chauve, Quelques grammes par jour dans le pif. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, Le nom d'un mort tatoué sur la peau, Les singes viennent de sortir du zoo, Armés comme à l'époque du clos, L'ange de la mort dans la peau, Les singes viennent de sortir du zoo. C'est la nocturne 100% rap français avec Caris. Session classique dans la nocturne. On va pas tarder à baisser le store de la nocturne 100% rap français juste avant. Juste avant, une petite dédicace au Char du Gouffre avec Triste Théâtre et une grosse casse dédiée à Boldery Records aussi. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Nocturne. Char. Triste Théâtre. Et après, un dernier son et rideau. Oumeille. Tu veux de la peu, j'ai plus de variété que les douaniers. Le froid des menottes aime caresser mes poignets. Depuis que la chance s'est éloignée, ma pente s'est déployée. Avant sous un grand ciel étoilé. Je suis pas le fils de Obama, j'ai le fils de Fofana. Et l'espérance de vie de Loana, oh là là. Le destin m'a eu, le destin s'acharne. Le fils de Shaitan a mordu le nez de la sage-femme. J'ai pas demandé à naître ici, la haine d'un débici. Chaque soir je prends ma taille à l'épicerie. Mais vers chez moi ce qu'achemine le Zeta. On tous finit par faire comme la chemise de Zeta. Si t'as les pièces de Lara Croft, les fesses de Jade La Roche, je te baisse sur un air de Diana Ross. On étouffe, les petits frères ont envie de prendre l'air. Car dans le couf, les cimetières sont remplis de trentenaires. Des gamins virulents, élevés à la vie du banquier. À l'école de la rue, suivent vers les cours assidûment. L'ombre d'une fosse se poilant sur le fil du temps. Dur de suivre le droit chemin lorsque t'avances en titubant. Des gamins virulents, élevés à la vie du banquier. À l'école de la rue, suivent vers les cours assidûment. L'ombre d'une fosse se poilant sur le fil du temps. Dur de suivre le droit chemin lorsque t'avances en titubant. Je suis enfermé dans ma bulle, celle d'un spliff de Bubblegum. Quand je l'allume, je rentre dans un film de Tim Burton. Un litre de rhum, on pètera les dynames. Loin des histoires de baise entre Brenda et Dylan. Quel triste théâtre, ça frise le désastre. Ma clique de P4 sont pas des fils de pédiatre. Ça se poussille, bullshit paquet comme ma santé séquestrée dans l'arrière-boutique d'un sex shop. Mon génie ptique, je vais mourir à 27 ans. Rien d'inquiétant, le coup gravé jusqu'à la fin des temps. Je viens de là où une plaquette découpée vaut le double. Où les gosses jouent avec des poupées vaudou. Dans les autres troubles, on y croise des piranhas. Je ramène Jiraya à ta soirée pyjama. Mais l'image que je reflète n'est plus celle que je veux donner. J'en ai marre d'être incompris comme les sketchs de Dieu donné. Des gamins virulents, élevés à la vie du banquier. À l'école de la rue, suivent vers les cours assidûment. L'ombre d'une fosse se balance sur le fil du temps. Dur de suivre le droit chemin lorsque t'avances en titubant. Des gamins virulents, élevés à la vie du banquier. À l'école de la rue, suivent vers les cours assidûment. L'ombre d'une fosse se balance sur le fil du temps. Dur de suivre le droit chemin lorsque t'avances en titubant.

toi tu vois les signes. L'amour n'existe pas, c'est juste la fin des cycles. Cette fin se dessine, l'humain se décime. Espoir indigo, les pléiades nous désignent. Lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être. Dépasse Babylone, élucide le mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quinto sol, comprends entre les lignes. Comprends entre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. La vie est grande, ton cœur. Fais obéissance à la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous. C'est la fin de la nocturne 100% rap français. Ouais, si, si. Ouais, on est là. Le Fredo. Merci à vous tous d'avoir suivi la nocturne. Merci pour vos messages. Merci à mes deux Fab. Fab était là. Fessal, Oumey. Nora, c'est qui le meilleur? Nora était là. Papi Kaira, c'est le meilleur. Il est ouais, dans c'est la bon. Place. Allez, hop, on y va, on remballe. Laetitia, Tortue, Eric, la famille, Chris et qui est Merlin. Et on est tout. Le mec se fait appeler l'enchanteur, il est... Johan. C'est donc fini pour la nocturne 100% rap français fabuleux, il est où fabuleux? La semaine prochaine, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Avec la tunique bleue, hein. Allez, on y va, on tire le store ou pas? Non. Il y a des gens qui sont morts dans le studio, là. Allez, c'est fini, ciao, merci à vous tous. Merci pour vos messages. Fin de la nocturne. Dédicace à Grégory pour la photo. Dédicace à Greg pour la photo, merci. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Hey, this is Rihanna.